secours, c'est toi. Mon seul recours, c'est toi. Quand l'ennemi m'entoure, Jésus. Et dans ma sécheresse, tu renouvelles tes promesses, me remplissant d'allégresse, Jésus. Lève-toi, Seigneur, entends les cris de ton enfant. Dis à mon âme, je suis ton bouclier. Lève-toi, Seigneur, entends les pleurs de ton enfant.